très dommage. Quand pas comme une guilla d'un cache, qu'on pète sauvage, qui va les images, ni la rage. Bah, y'a toujours c'est l'esclavage, ça savent ça depuis premier âge. T'es pour rester gardé en face et tourner la page. Problème racine, ça très dommage. Quand pas comme une guilla d'un cache, qu'on pète sauvage, qui va les images, ni la rage. Bah, y'a toujours c'est l'esclavage, ça savent ça depuis premier âge. T'es pour rester gardé en face et tourner la page. Les racistes qui parlent de nous, qu'on banalité. Ouvrez nous nègres, à part ça nous mériter. Problème racial, ça vit nos calamités. Y'a possessif et impulsif dans l'actualité. Mon style de mode, que yo même yo adopté. Considérez nous nègres, qu'on devient salopté. Couler en outre qu'au sale, pas ni bon vanité. Aller dans les bureaux pour garder pour mon activité. Les démarches en cours sont nègres, yo c'est rejeté. C'est moula ça, yo en manque de publicité. Ça part où dans le monde, qu'on publicité. En canis, ça franchement sans preuve d'imbécilité. Yo dit solidarité, fraternité, égalité. Et là c'est impurité, sûreté, humilité. La preuve en est, nègres n'ont bon qualité. En cas d'où ça franchement, qui est toujours persisté. Problème racine, ça très dommage. Quand pas comme une guilla d'un cache, qu'on pète sauvage, qui va les images, ni la rage. Bah, y'a toujours c'est l'esclavage, ça savent ça depuis premier âge. T'es pour rester gardé en face et tourner la page. Problème racine, ça très dommage. Quand pas comme une guilla d'un cache, qu'on pète sauvage, qui va les images, ni la rage. Bah, y'a toujours c'est l'esclavage, ça savent ça depuis premier âge. T'es pour rester gardé en face et tourner la page. Pourtant, ces mots simples et riches à la fois échappent ici aux oreilles affûtées par des paroles trop polies. Il reste une lame en détresse, impatient d'en découdre, une plume acérée, une langue à l'histoire si lourde qu'elle coule par le feu, les souffrances du bois d'ébène, pour faire des colonies, des joyeuses vacances africaines. Il reste une écriture qui arrondit les angles obtus, des anomalins, et pour d'aucuns des anomalies, et la conque de l'envie qui emporte le slogan écrit au fronton des mairies, dans le flot du soldat qui s'est tué. Goutte après goutte, c'est une fuite, une mauvaise conduite sans doute, une fausse route qu'un jour nous quitte. C'était mon con et bruit d'écoute. Goutte après goutte, toujours c'est l'esclavage, ça savent ça depuis premier âge. T'es où rester gardé en face et tourner la page.